Yuma, chapitre 1. Il y a encore à Saint-Pierre des vieilles gens qui se rappellent Yuma. C'était une grande capresse. Elle appartenait à Madame Perronnette. La servante était plus connue que la maîtresse, car depuis la mort de son mari, un riche négociant qui l'avait laissée dans une situation très aisée, Madame Perronnette sortait peu. Yuma était l'esclave favorite et aussi la filleule de Madame Perronnette. Sous l'Ancien Régime, il n'était pas rare que des dames créoles devinssent les marraines des petits esclaves. Douceline, la mère de Yuma, avait été achetée pour servir de dât à Aimée, la fille unique de Madame Perronnette. Mais elle était morte lorsque Aimée eut 5 ans. Les deux enfants avaient à peu près le même âge et paraissaient très attachés l'une à l'autre. Après la mort de Douceline, Madame Perronnette résolut d'élever la petite capresse et d'en faire la compagne de jeu de sa fille. Les caractères des deux enfants étaient très différents, et cette différence alla s'accentuant au fur et à mesure qu'elle grandissait. Aimée était démonstrative et affectueuse, sensible et passionnée, avec de brusques passages du chagrin à la joie, des larmes au sourire. Yuma, au contraire, était presque taciturne. Elle trahissait rarement une émotion quelconque. Elle jouait silencieusement quand Aimée criait et souriait à peine, tandis qu'Aimée riait si fort qu'elle effrayait presque sa mère. Mais, malgré ces différences, ou peut-être précisément à cause de ces différences, les deux fillettes s'entendaient fort bien. Elles n'eurent jamais de querelles sérieuses et ne se séparèrent pour la première fois que lorsque Aimée fut envoyée, à 9 ans, dans un couvent pour y compléter son éducation. Aimée éprouva un grand chagrin en quittant sa compagne. Sa peine ne fut pas adoucie lorsqu'on lui assura qu'elle retrouverait au couvent des amis plus gentilles que la petite capresse. Yuma, qui certes perdait le plus par la séparation, demeura calme en apparence. Elle fut d'une conduite irréprochable, dit Madame Perronnette, trop fine observatrice, pour attribuer cette conduite irréprochable à l'insensibilité. Cependant, les deux amies continuèrent à se voir. Tous les samedis, Madame Perronnette se rendait au couvent dans sa voiture et elle emmenait toujours Yuma. Aimée ne paraissait guère moins heureuse de voir son ancienne compagne de jeu que de voir sa mère. Leur amitié d'enfance se renoua naïvement pendant les premières vacances d'été et pendant celles de Noël, et leur affection réciproque survécut à la fin de leur existence commune. Bien qu'elle fût théoriquement une domestique et qu'elle ne s'adressât à Aimée qu'en la nommant « maîtresse », Yuma était traitée presque comme une fille adoptive. Et lorsque Mademoiselle eut fini ses études, la jeune servante esclave demeura sa confidente et en quelque sorte sa compagne. Yuma n'apprit jamais à lire ni à écrire. Madame Perronnette croyait que si elle s'instruisait, elle souffrirait d'un avenir que rien ne saurait lui épargner. Mais la jeune fille était d'une intelligence naturelle qui compensait, sous bien des rapports, son défaut d'instruction. Elle savait toujours ce qu'il fallait dire et faire dans toutes les circonstances de la vie. Yuma était devenue une femme superbe. C'était certainement la plus belle capresse de l'arrondissement. Son teint était d'un rouge profond mais clair. Tous ses traits avaient une douce et vague beauté, un je ne sais quoi qui, surtout de profil, faisait songer au visage indéfinissable du sphinx. Ses cheveux, bien que bouclés comme une toison noire, était long et assez beau. De plus, elle était gracieuse et très grande. À 15 ans, elle semblait tout à fait femme. À 18 ans, elle avait la tête et les épaules de plus que sa jeune maîtresse. Et lorsqu'elles sortaient ensemble, mademoiselle Aimée, qui était de taille moyenne, était obligée de lever les yeux pour regarder Yuma. La jolie bonne était universellement admirée. C'était bien une de ces silhouettes que les Martiniquais montraient orgueilleusement aux étrangers, comme le type accompli de la beauté des races mêlées. Car même au temps de l'esclavage, le créole ne se refusait pas le plaisir d'admirer ces tons bronzés ou dorés de la peau humaine. Il avouait très franchement qu'il les appréciait. Au point de vue esthétique, le préjugé de la couleur n'existait pas. Pourtant, aucun des jeunes gens de la race blanche n'eût osé dire à Yuma son admiration. Quelque chose dans le regard et les manières sérieuses de la jeune esclave la protégeait tout autant que le prestige de la famille qui l'avait élevée. Madame Perronnette était fière de sa domestique. Elle prenait plaisir à la voir vêtue, avec toute l'élégance possible, du costume brillant et gracieux que portaient alors les femmes de couleur. En fait de toilette, Yuma n'avait à envier aucune femme de la classe des affranchis. Elle possédait tout ce qu'une capresse pouvait souhaiter. Au goût du pays, qui recherchait les contrastes de couleurs, elle avait des jupes de soie et de satin, des robes de Inde avec des foulards et des coiffures assorties, azur et orange, rouge et violet, jaune et bleu criard, vert et rose. Pour les grandes circonstances, telles que la première communion d'Aimée, la fête de Madame, un mariage auquel toute la famille était conviée, Yuma revêtait un costume magnifique. Sa jupe à traînes de satin orange était attachée un peu au-dessous des seins. La chemise brodée, fermée par des lacets, avait des manches courtes qui laissaient nus les bras chargés de bracelets et maintenus au coude par des fermoirs d'or, boutons à clous. Son foulard, mouchoué en lait, était jaune canari, rayé vert et bleu. Elle portait un triple collier de perles d'or ciselées, collier chou. Ses boucles d'oreilles, ou anneaux à clous, était chacune composée d'épais cylindres d'or entrelacés. Son turban madra au raie jaune était tout scintillant de bijoux, d'épingles tremblantes, de chaînes, de glands d'or frissonnants. Ainsi parée, Yuma eût pu poser pour un peintre la reine de Saba. Yuma possédait aussi de jolis petits ornements qui lui venaient d'Aimée. Mais la plupart de ses bijoux lui avaient été donnés par Madame Perronnette comme cadeau de nouvel an. En somme, rien ne manquait à Yuma de ce qu'elle pouvait raisonnablement désirer, sinon de la liberté. Peut-être ne s'était-elle jamais beaucoup inquiétée à ce sujet. Cependant, Madame Perronnette y avait songé longuement et elle avait pris une décision. Elle refusa 2 fois la liberté de Yuma à mademoiselle Aimée, malgré les supplications et les pleurs de sa fille. Son refus était motivé pour des raisons qu'Aimée était trop jeune encore pour bien comprendre. Madame Perronnette comptait affranchir Yuma dès que la liberté rendrait celle-ci plus heureuse. Pour le moment, elle considérait que sa servitude était pour la servante une protection morale. Yuma demeurait ainsi sous le contrôle de ceux qui l'aimaient le mieux, et elle était à l'abri de dangers qu'elle ne soupçonnait pas encore. Et surtout, elle était ainsi dans l'impossibilité de contracter un mariage que sa maîtresse désapprouverait. Madame Perronnette avait des projets pour l'avenir de sa filleule. Elle avait l'intention de la marier un jour à un affranchi travailleur et économe qui lui ferait un foyer agréable. Un charpentier, un ébéniste, un constructeur ou patron mécanicien. Alors Yuma recevrait la liberté et peut-être une petite dot. Mais en attendant, elle serait ainsi aussi heureuse que possible. À 19 ans, Aimé fit un mariage d'amour. Elle épousa M. Louis Desrivières, un cousin éloigné, plus âgé qu'elle de 10 ans. M. Desrivières avait hérité d'une importante plantation, en pleine prospérité, située sur la côte est de l'île. Mais, comme beaucoup d'autres riches planteurs, il passait de préférence la plus grande partie de l'année en ville. Et il mena sa jeune femme dans la maison de sa mère, située dans le quartier du fort. Suivant le désir d'Aimé, Yuma l'accompagna dans sa nouvelle demeure. Il n'y avait pas loin de la grande rue où se trouvait la maison de Madame Perronnette à celle des Desrivières dans la rue de la Consolation. Ainsi, ni sa fille ni sa filleule ne s'attristeraient de la séparation. 13 mois plus tard, Yuma, vêtue comme une princesse orientale, porta au baptistère une petite fille dont la venue dans le petit monde colonial fut enregistrée ainsi aux archives de la marine. Lucille Aimée Francillette Marie, fille du sieur Raoul Ernest Louis Desrivières et de dame Adélaïde Hortense Aimée Perronnette, son épouse. Alors Yuma devint la dat de la petite Mayotte. L'enfant créole est toujours désigné par le dernier des noms qui lui ont été donnés à son baptême, ou plutôt par quelques diminutifs créoles de ce nom. Et le diminutif de Marie est Mayotte. Dans les deux familles, on avait décidé que Mayotte ressemblait plus à son père qu'à sa mère. Elle avait de celui-ci les yeux gris et les cheveux bruns. Ses cheveux brillants qui, chez les enfants des plus anciennes familles créoles, s'assombrissent et deviennent presque noirs avec les années. Elle promettait de devenir jolie. Une autre année passa. Il n'y avait pas de ménage plus heureux que celui d'Aimé Desrivières. Puis, avec une soudaineté cruelle, Aimée mourut. Elle était sortie avec son mari pour faire une excursion en voiture sur la belle promenade qu'on appelle la Trace. Yuma et l'enfant étaient restés à la maison. Les promeneurs furent surpris, au beau milieu d'une après-midi particulièrement chaude, par une de ces averses glacées et torrentielles qui, en certaines saisons, accompagnent les orages. Ils étaient encore éloignés de tout abri et furent tous deux trempés en un instant. Un violent vent du nord-est s'éleva et souffla jusqu'à leur arrivée chez eux. La jeune femme, naturellement délicate, s'alita, atteinte de pleurésie. Malgré tous les soins possibles, elle succomba avant le lever du soleil. Et Yuma la vêtit pour la dernière fois, adroitement, tendrement, comme elle l'avait habillée pour son premier bal, tout en bleu pâle, et pour son mariage, tout en blanc vaporeux. Seulement, cette fois, Aimé était vêtue de noir, comme le sont les mères créoles. Monsieur Desrivières avait passionnément aimé sa jeune femme. Il s'était marié le cœur neuf et le caractère pas encore endurci au contact des rudesses de la vie. L'épreuve fut pour lui terrible, et pendant quelque temps, on craignit qu'il n'y survécût pas. Lorsqu'il se remit un peu de la grave maladie que lui avait valu sa douleur, il lui fut impossible de demeurer dans la maison de la rue de la Consolation, toute remplie de souvenirs. Il se réfugia, dès qu'il le put, dans sa plantation, et essaya de s'y occuper, en faisant de temps à autre de brusques visites à la ville pour y voir sa fille. Madame Perronnette avait insisté pour se charger de Mayotte. Mais l'enfant était délicate comme sa mère, et 6 mois plus tard, pendant une saison d'épidémie, Madame Perronnette décréta qu'il serait plus sage de l'envoyer à la campagne chez son père, avec Yuma. Anse-Marine était un des endroits les plus salubres de la colonie. Mayotte y gagna vite des forces, de même que la sensitive, la zébé-mamissi, se fortifie dans la chaude brise marine.